Science Chrono, Antoine Beauchamp. Dans l'histoire des sciences, des figures disparaissent parfois dans un drôle d'oubli. C'est le cas du Britannique Alfred Russel Wallace, qui fut en son temps un des grands penseurs de la théorie de l'évolution aux côtés de Charles Darwin, mais dont le nom s'est progressivement estompé. De l'Amazonie à l'Indonésie, quelles furent ses observations et hypothèses qui apportèrent, en même temps que Darwin, de l'eau au moulin de la sélection naturelle. Science Chrono dresse aujourd'hui le portrait de ce savant explorateur qui marcha aux côtés de Charles Darwin pour finir quelque peu dans son ombre. Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Antoine Beauchamp. Vous êtes philosophe, spécialiste de biologie, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes traducteur de Charles Darwin. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous rappeler l'histoire d'Alfred Russel Wallace aux côtés de Darwin et nous décrire son degré d'implication dans l'émergence de la théorie de l'évolution, une théorie que l'on nomma jusqu'au tournant du XXe siècle la théorie de Darwin-Wallace. Et ça, on l'a un petit peu oublié, on va voir pourquoi. Mais pour ouvrir cette émission, je vous propose d'écouter comme chaque semaine une archive sonore. Il s'agit d'un extrait de l'émission Connaissance de l'homme diffusée par l'ORTF le 24 avril 1957, soit quasi 100 ans après la parution de l'Origine des espèces de Darwin. On y entend le philosophe des sciences Georges Canguilhem parler de l'idée d'une co-découverte de la sélection naturelle par Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. En 1842 et en 1844, Darwin rédigea deux essais de sa théorie, mais ne les publia pas, continuant à réfléchir sur quelques faits encore mal raccordés à ses principes généraux d'explication. Ayant appris, en 1858, qu'un naturaliste séjournant en Malaisie, Wallace, venait de composer un essai sur la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel, où la même théorie que la sienne était formulée, à partir d'observations analogues et de la réflexion sur le même ouvrage de Malthus, Darwin se décida à rédiger son ouvrage fondamental, De l'origine des espèces, publié en novembre 1859 et dont la première édition à 1250 exemplaires fut épuisée le jour même de la mise en vente. Une rencontre comme celle de Darwin et de Wallace n'est pas sans exemple dans l'histoire des sciences. Mais leur courtoisie réciproque, leur désintéressement, leur refus commun d'entrer dans une querelle de priorité sont mémorables parce que rares. Voilà pour l'anecdote. La notice de cette archive sur le site de l'INA disait que cette causerie était, je cite, probablement de Georges Canguilhem, mais grâce à la communauté des philosophes des sciences et grâce Thierry Hoquet à votre collègue Pierre-Olivier Métaux, on a pu identifier à 100% cette archive comme étant bien un propos de Georges Canguilhem. Alors merci, merci à lui d'avoir rétabli cette vérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'important, cette archive de Georges Canguilhem, Thierry Hoquet? D'abord, elle s'inscrit dans un texte qui est consacré à Darwin et Lamarck. Donc, c'est important de le rappeler parce que du coup, voilà, ça apparaît ici comme une sorte de personnage périphérique par rapport à deux géants, le français et l'anglais. Et effectivement, voilà, ça apparaît comme une sorte de double de Darwin. Canguilhem dit une rencontre, hein, alors une rencontre d'abord théorique, puisque effectivement, Wallace a 14 ans de moins que Darwin, lui a adressé un manuscrit, alors qu'il est lui-même en Indonésie, dans les Moluques, et qu'il a écrit, la légende dit, dans une nuit un peu de fièvre, il a rédigé quelques pages qu'il adresse à Darwin, qui reçoit ça en juin 1858, et qui s'écrit que c'est un choc pour lui, qu'il a l'impression d'avoir affaire à un résumé de sa théorie et que vraiment il est frappé par cette coïncidence entre leurs deux théories, leurs deux pensées. On va parler bien sûr de cette épiphanie fiévreuse de Alfred Russel Wallace en Indonésie. Avant ça, on peut peut-être le présenter, ce personnage, décrire dans quel monde il évoluait et puis comment il en est venu à s'intéresser aux sciences naturelles, aux espèces vivantes et à parcourir le monde pour aller non seulement faire ses découvertes, mais aussi faire des relevés in situ. Est-ce que vous pourriez nous présenter globalement ce personnage-là, Thierry Hoquet? Oui, alors il est issu d'une famille de petite bourgeoisie, une famille nombreuse. Il a pas mal de difficultés financières. Il est à un moment hébergé par l'un de ses frères. Et puis, il est très curieux, il lit énormément. Il s'intéresse à la théorie socialiste, il s'intéresse aux idées évolutionnistes telles qu'elles commencent à être formulées et extrêmement populaires dans l'Angleterre de l'époque. Et puis, il décide de s'engager Notamment parce qu'il a lu le journal de voyage de Darwin. Le voyage du Beagle. Ouais. Darwin a tourné autour du monde entre 1831 et 1836. Et ce voyage a beaucoup frappé les esprits. Et Wallace, du coup, décide de partir au Brésil en 1848. Il a notamment un de ses amis qui est un jeune entomologiste qui s'appelle Bates. Et ensemble, donc, ils vont partir essentiellement, moi je dirais, pour des motifs pécuniaires. C'est-à-dire que l'intérêt pour la science est toujours chez Wallace, en tout cas chez le jeune Wallace, mêlé du souci de gagner sa vie. Et donc, il collecte énormément de spécimens. Il le fait au Brésil, il le fera plus tard quand il sera en Indonésie, Malaisie. Et ces collectes, bien sûr, le mettent aussi en rapport avec les grands naturalistes de l'époque, les collectionneurs britanniques. Et c'est comme ça qu'il rencontre Darwin, en fait. Ce qui est amusant dans ce voyage-là, qui dure 4 ans en Amazonie, c'est que donc sur place, Wallace collecte énormément de spécimens qu'il renvoie au pays. Donc, il se fait de l'argent comme ça et qu'il peut continuer son expédition. Le gros de sa collecte, il veut le ramener en Angleterre. Et puis, son bateau fait naufrage quelques semaines après être parti du Brésil. Donc là, ça capote quand même sérieusement. Mais malgré tout, ça lui a permis de rentrer en contact avec certains naturalistes. On verra que ça aura son importance dans la communication qui s'établit entre lui et Charles Darwin. Quand il rentre, malgré tout, il publie aussi beaucoup d'articles, notamment sur les espèces de singes d'Amazonie. Il publie des livres. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans la comparaison qu'on peut faire entre Darwin et Wallace, c'est que au bout du compte, Wallace aura plus publié que Darwin dans tout son parcours scientifique. On le considère aussi, Wallace, comme le père de la biogéographie. Et ça, c'est à partir de ses observations aussi en Amazonie qu'il réalise et qu'il crée cette discipline, sans la créer vraiment. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette biogéographie? Et qu'est-ce que ça a comme lien avec la sélection naturelle? En fait, on commence à l'époque, à partir des travaux de Alexander von Humboldt, mais aussi du Genevois Candolle, on commence à s'apercevoir que les espèces ne sont pas distribuées de manière complètement incohérente, d'abord géographiquement, voilà. Donc c'est la distribution géographique des plantes et des animaux. Donc, dans ce cadre-là, on s'intéresse beaucoup à des phénomènes comme l'isolement, comme les barrières géographiques qui peuvent séparer, comme une très grande rivière, par exemple, comme l'Amazone peut séparer deux rives et constituer un obstacle suffisant. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de voir qu'on ne va pas rencontrer nécessairement la même espèce de part et d'autre de la barrière géographique. Ça peut être une montagne, ça peut être une barrière aquatique, etc. Et de la même façon que dans un espace donné, des espèces, des variétés d'espèces vont être très proches et on ne pourra pas retrouver... Et la question se pose finalement de savoir si des espèces proches d'un point de vue, maintenant on dirait génétique, peuvent exister à des distances très larges. Ça, c'est une vraie question aussi qui se posera plus tard en biologie. Si on revient à Wallace et à ses premières réflexions sur l'évolution, dans quel courant est-ce qu'il s'inscrivait? C'est très important de rappeler que l'époque n'était pas du tout une morne pleine autour de ces questions. Vous parliez tout à l'heure de Lamarck. Il y a une notion qu'on peut définir comme transmutation des espèces, transformation des espèces. Pourquoi est-ce que cette notion-là, à l'époque, était aussi décriée, mais aussi en vogue chez certains jeunes chercheurs qui aimaient les idées radicales, comme c'était le cas de Wallace? En fait, c'est vraiment une idée extrêmement populaire. D'abord parce que les élèves de Lamarck ont rayonné à travers l'Europe, comme l'a montré Pietro Corsi notamment, mais également parce qu'il y a en Angleterre ces idées, on va dire transformistes au sens très large, qui circulent avec quantité de spéculations sur les mécanismes possibles. Mais ce qui est très intéressant, je pense, surtout à l'époque, c'est que les naturalistes se mettent à rechercher des lois de cette transformation. Ils essayent de trouver des régularités, des cohérences, des manières de mettre en rapport les phénomènes et de les ordonner de manière à sortir du chaos, à sortir l'histoire naturelle du chaos, c'est-à-dire de ce nombre incalculable d'espèces. Donc tout ce qui contribue à la mise en ordre des phénomènes est bienvenu. Et Wallace contribue à cela, notamment dans un article important qu'il publie en 1855 et qui s'intéresse justement au principe de l'apparition de nouvelles formes. En 1855, il est déjà dans les archipels de Malaisie. Il est arrivé à Singapour en 1854. Il va rester pendant 8 ans dans cette région. Et là, à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie plein de spécimens à Darwin. Il communique. Et donc, c'est à partir de là, finalement, que va advenir ce moment un peu étonnant dans l'histoire des sciences, mais finalement pas si étonnant que ça. C'est le moment de la co-découverte, ou en tout cas de la co-théorisation d'une idée. Ça part de quoi, cette découverte-là par Wallace? Qu'est-ce qu'il en dit, lui, de l'évolution? Il parle pas du tout de sélection naturelle. Et comment, lui, il se met finalement sur les mêmes pas que Darwin sans le savoir? En fait, Darwin comme Wallace ont tous les deux lu Malthus. Et donc, un économiste, du coup. Voilà, qui s'intéresse au fait que les populations, en gros, croissent plus vite que les ressources. Et donc, ça, c'est quelque chose que Darwin aussi a lu très tôt dans sa recherche. On trouve mention de ça dans ses carnets qu'il rédige à Londres à la fin des années 1830. Et Wallace a lu ça aussi. Et donc, aussi bien chez Darwin que chez Wallace, on va trouver un style de raisonnement de type mathématique qui consiste à dire, prenons un couple de n'importe quelle espèce, eh bien en 15 ans, à partir de deux individus, on va en avoir peut-être 10 millions, vous voyez. Donc ce genre de calcul qui fait que on a le vertige en fait devant ces grands nombres, et puis du coup, ça ne correspond pas avec notre sentiment que les populations d'animaux sont à peu près constantes. Donc il faut trouver une manière d'expliquer comment on passe de cette croissance vertigineuse à la constance. Eh bien, la réponse, c'est une très forte destruction qui va, en quelque sorte, contenir les populations. Destruction qui est englobée dans cette conception de la sélection naturelle comme moteur essentiel aussi de la transformation des espèces. Cette idée-là, il la communique à Darwin en 1857 ou 1858. Darwin, à l'époque, il a un fils qui est malade, il s'en occupe et il va confier finalement ce document qui lui arrive et qui fait un peu l'effet d'une bombe parce que lui, comme le disait Georges Canguilhem dans l'archive tout à l'heure, il y travaille depuis 1840, 42, 43. 1838, 1838 même, en fait, c'est le premier carnet sur la transformation. C'est ça, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il bute vraiment sur cette idée. On sent que dans ses écrits, c'est assez confidentiel. Il n'en parle pas à beaucoup de monde. Et il tourne autour de cette idée de la sélection naturelle de l'évolution. Il met ça de côté, il y revient. Et finalement, Wallace va jouer un rôle de stimulus, de déclencheur presque dans l'arrivée de Darwin sur la scène de l'histoire des sciences en grande pompe avec sa théorie de l'évolution et sa sélection naturelle. Alors comment est-ce que les camarades de Darwin qui récupèrent la patate chaude, qui récupèrent le dossier, vont d'une certaine façon accélérer l'arrivée de l'origine des espèces et de la théorie de l'évolution de Darwin? Alors, Darwin, ça fait déjà au moins 15 ans, depuis 1844, qu'il a une théorie qu'il estime publiable. Et comme le disait Canguilhem, il doit encore réfléchir à quelques faits. Mais donc, 15 ans, c'est beaucoup, ça veut dire. C'est 15 ans de travail, 15 ans de maturation où Darwin travaille sur ses idées. Et à partir, disons, de 1856, à peu près, il se met vraiment à la rédaction d'une somme qu'il a rédigée à peu près aux deux tiers quand il reçoit le petit article de Wallace, parce qu'il faut faire la différence entre en nombre de pages, en ampleur, entre quelqu'un qui touche une idée comme ça avec beaucoup de grâce et peut-être un peu de chance, et puis la bonne lecture, surtout, je le répète, Malthus et sa théorie de la lutte pour la vie, de la lutte pour l'existence, et puis Darwin de son côté qui lui creuse et tente vraiment c'est de faire c'est vraiment un trimard de cette idée. Voilà, une revue complète de la littérature, et donc il prépare quelque chose avec plein de notes de bas de page très gros. Et de fait, le coup de foudre de Wallace va lui permettre d'écrire ce qu'il va appeler un résumé de son essai, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme étant les 490 pages de l'origine des espèces. Et tout ça passe par une histoire d'amitié entre Darwin, Charles Lyell et Joseph Hooker, qui, quand ils reçoivent l'article de Wallace, se disent « bon ben là, on doit faire des présentations à des sociétés savantes parce que le plat est prêt, quoi. Tout est mûr maintenant pour qu'on puisse présenter ces résultats-là. » Et ils vont parler d'un arrangement subtil parce que ils vont faire passer d'abord les travaux de Darwin devant la Société linnéenne de Londres avant de présenter cet article, cet essai de Wallace qu'il a envoyé à Darwin, qui est, comme le dit Darwin, un résumé parfait de sa théorie. Et lui-même est surpris de lire ce texte en se disant « mais c'est le... on n'aurait pas pu faire un meilleur résumé de ma théorie que sur laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. » Alors parlons de cette présentation-là et du rôle que ça va avoir dans la possible oblitération de Wallace dans l'histoire des sciences après coup. Est-ce que c'est à ce moment-là finalement que Wallace commence à disparaître dans l'ombre de Darwin et que finalement Darwin est mis plus en avant que Wallace? je dirais, pas tout à fait, mais je dirais même au contraire, en fait. Il est clair que Lyell et Hooker ont en charge d'établir la priorité de Darwin. Mais cette priorité, elle est incontestable. D'abord parce qu'il a communiqué d'abord ses idées à Hooker, mais il a aussi fait une lettre en 1857 très importante au botaniste Hazard Gray aux États-Unis. Et donc, tout ça, ça fait partie des documents qui attestent du fait que cela fait très longtemps que Darwin formule ses idées. Ensuite, Wallace n'existe pas. Il existe comme un collecteur de spécimens sur le terrain. Donc, on pourrait dire un sous-fifre, en quelque sorte. Un aventurier aussi. Et le fait qu'il ait publié quelques articles scientifiques ne lui donne aucune autorité. Alors que Darwin, auréolé du voyage sur le Beagle, est membre de la Société de géologie, est membre de plusieurs sociétés savantes, est vraiment un gentleman des sciences. Oui. Donc, on pourrait. La question se pose de savoir à qui Wallace aurait pu adresser son manuscrit, sinon à Darwin, et qui aurait vraiment pris ce texte au sérieux s'il n'avait pas été associé à l'extrême réputation scientifique de Darwin. Wallace lui-même est très heureux d'être associé à Darwin. Il écrit une lettre à sa mère et dit « Je suis désormais certain de pouvoir compter sur l'amitié et le soutien de ces hommes éminents, donc Darwin, Hooker et Lyell, une fois rentré au pays. » Et dans son autobiographie parue en 1908, il dit « Je n'ai pas seulement approuvé, j'ai ressenti qu'il m'avait fait plus d'honneur et prêté plus de crédit que je n'en méritais en plaçant ma soudaine intuition, hâtivement transcrite et aussitôt envoyée pour avis à Darwin et Lyell, au même niveau que les longues recherche de Darwin. Donc là, au moins, l'histoire est très claire. C'est Wallace qui le dit. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand même que jusqu'au tournant du XXe siècle, on va parler de théorie de Darwin-Wallace pour la théorie de l'évolution, alors qu'eux-mêmes avaient des visions quand même assez proches, mais aussi divergentes sur certains points. Oui, alors d'abord, il faut se dire qu'effectivement, quand Darwin dit « Ah, j'ai été frappé comme par l'éclair parce que je me suis aperçu que quelqu'un avait résumé ma théorie », on peut dire qu'il y a une part d'illusion de la part de Darwin et que cette illusion a été en quelque sorte prise pour argent comptant par ses contemporains, c'est-à-dire on n'a pas discuté immédiatement des différences qui existaient entre eux. Il a fallu un peu de temps pour s'en apercevoir. Ça, c'est sur le premier point. Est-ce que Darwin et Wallace disent véritablement la même chose en 1858? C'est pas du tout clair. Mm-hmm. Et en particulier, même si Darwin a toujours reconnu en Wallace une sorte de co-découvreur, il est frappant que Wallace n'utilise pas, par exemple, le terme « sélection naturelle » et que tout au long de sa vie, il va émettre auprès de Darwin des objections, des réticences quant au terme. Et il va même faire de mauvaises suggestions à Darwin, comme celle de compléter le terme de sélection naturelle par la survie des plus aptes, hein, le « survival of the fittest » d'origine spencerienne, et qui va contribuer encore à brouiller la réception des idées de Darwin. Mmh. Donc voilà, ça n'a pas eu que des excellentes idées. On peut ajouter à ça, Thierry Hoquet, le fait que donc, au rang des divergences entre Wallace et Darwin, Wallace rejetait la notion de sélection sexuelle, qui est la grande notion qu'applique ensuite Darwin à sa théorie, mais aussi le fait que l'espèce humaine échappait totalement à la sélection naturelle. Ça, c'est un des aspects troublants chez Wallace aussi, c'est toujours ce lien entre une certaine forme de pointe scientifique, mais aussi une forme d'ésotérisme, une forme de croyance de son temps aussi, qui se rencontreront à la fin de son parcours, on en parlera. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de théorie de Darwin-Wallace, je pense, selon moi, c'est d'abord parce que, effectivement, Wallace, à une époque qu'on caractérise parfois comme l'éclipse du darwinisme, au sens où il y a énormément de théories de l'évolution rivales et que la sélection naturelle est toute petite dans ce paysage-là, mm-hmm. Eh bien, Wallace, lui, il va faire partie de ceux qu'on va appeler les ultra-darwiniens, c'est-à-dire, il va être plus sélectionniste que Darwin lui-même. C'est-à-dire, il va accorder encore plus d'importance à la sélection naturelle que Darwin lui-même ne le faisait dans son livre L'origine des espèces. Darwin, dans son livre L'origine des espèces, fait place à ce que nous appellerions aujourd'hui des facteurs lamarckiens, comme le rôle que l'usage et le non-usage des organes peuvent avoir sur leur forme et la transmission héréditaire de cette forme. Il fait place à la sélection sexuelle, c'est-à-dire à des critères esthétiques. Et face à cela, Wallace ne cesse de réfuter tous ces principes pour faire place à la sélection et à une sorte d'utilitarisme un peu forcené. Il y a aussi un bras de fer entre ces deux savants-là. Je ne sais plus dans quel ouvrage de Darwin il est Voilà, c'est le plus cité, mais pour être le plus critiqué par Darwin, en tout cas le plus contesté, le plus contredit. Ça en dit long aussi sur cette époque-là où on pouvait aussi marcher pendant un temps dans un sens commun, puis ensuite s'affronter sur certaines idées. Si on avance, Thierry Hoquet, dans l'histoire de ce duo Darwin-Wallace, Darwin meurt avant Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace publie Darwinism en 1889, où là, fait preuve d'être justement de cette défense totale et forcenée du darwinisme. Malgré ça, comment est-ce qu'on explique que dans l'histoire des sciences, le nom de Wallace est pris un peu l'eau et un peu disparu? Wallace lui-même a toujours reconnu que Darwin était un peu le chef d'équipe. Darwin était le grand théoricien, Darwin était le grand penseur, et que derrière il y avait une armée de troufions un peu, hein, mais qui était sur le terrain en train de pelleter. Et Wallace s'est toujours perçu comme cela. Il n'a jamais contesté à Darwin sa supériorité intellectuelle. Il s'est toujours présenté comme un second. Et d'ailleurs, son livre, il s'est appelé Darwinism. Mmh. Voilà, le darwinisme. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Wallace est un drôle de bonhomme, après tout. Il a souvent eu des problèmes financiers tout au long de sa vie. Darwin l'a beaucoup appuyé pour essayer d'avoir une sorte de bourse, de prime, etc., de rente. Mais donc, éditer beaucoup, publier beaucoup, c'est aussi ça à l'époque. Ouais. Hein, c'est gagner de l'argent avec des livres. Mmh. Et puis, il a ses idées, ce mélange entre des théories socialistes un peu révolutionnaires, et puis, sur le plan scientifique, une sorte de conservatisme, il faut bien le dire, c'est-à-dire cette idée que les facultés supérieures, intellectuelles et morales de l'être humain ne s'expliquent pas par la sélection naturelle. Une certaine vision aussi, on pourrait dire, anthropocentrique ou téléologique de l'évolution qui conduit à l'apparition des êtres humains comme étant, en quelque sorte, le sommet de l'évolution. Ce genre de vision qui ne sont pas tout à fait raccord avec la théorie standard de l'évolution. Et cette théorie de l'évolution aussi, il faut bien dire qu'il a fallu attendre les progrès les premières découvertes en tout cas importantes dans le domaine de la génomique pour qu'elles reviennent vraiment avec la théorie synthétique dans les années 1930 sur la table, et que là, pour le coup, on ne parle plus que de la théorie de Darwin. Là aussi, ça a son importance de rappeler que dans l'histoire des sciences, cette théorie a été très brinque-ballée, a été parfois mise un peu de côté parce qu'il y avait d'autres théories qui prenaient le pas. Ça, Thierry Hoquet, c'est des choses qu'on a tendance à oublier, parce que maintenant Darwin est au panthéon des sciences et on ne le conteste plus. Oui, alors je pense que ce qui est important, c'est de voir que justement la véritable parenté spirituelle entre Darwin et Wallace, elle se situe d'abord sur l'insistance mise sur la biogéographie. Il y a quand même deux gros chapitres là-dessus dans l'origine des espèces, et Wallace y a toujours prêté attention, mais aussi leur intérêt sur l'idée qu'il ne suffit pas de dire « il y a de l'évolution », où il y a des lois de la transformation, des régularités, comme il y a la loi de l'attraction universelle, par exemple. Mais il y a un effort pour rechercher des mécanismes. Or, c'est là-dessus qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent sur cette idée démographique, en quelque sorte, qui est la croissance infinie, et puis ce que Darwin appelle les freins à la croissance, les freins à l'accroissement. Donc, c'est là-dessus qu'ils se rencontrent, sur le fait que l'un et l'autre ont proposé une sorte de mécanisme matériel, biologique, pour expliquer des phénomènes naturels. Les autres théories de l'évolution, elles ont comme défaut d'être floues quant à ce mécanisme. Mmh. Des théories psychiques, des théories créationnistes, des théories mathématiques même. Hein, et Wallace lui-même a un peu trempé là-dedans au début. Un livre très populaire au 19e siècle qui aura 12 éditions, qui s'appelle « Les vestiges de l'histoire naturelle de la création », qui paraît d'abord en 1844 et que Wallace adore, c'est une théorie mathématique de l'évolution, comme quoi ça se transforme régulièrement selon des lois un peu comme les chiffres se transforment, comme les courbes se transforment. Donc tout ça, il y a plein de théories bizarres de l'évolution, et Wallace comme Darwin ont insisté sur l'aspect matériel et mécanistique. Et ils ont consolidé les bases de cette théorie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de sa vie, Alfred Russel Wallace était plus versé dans le spiritisme et dans la défense de théories très ésotériques, malgré la gloire scientifique qu'il avait acquise tout au long de son parcours. Il y a une chose aussi qui est intéressante, Thierry Hoquet, dans cette histoire des sciences qu'on fait dans l'émission Science Chrono, c'est ce besoin qu'on a aujourd'hui de toujours aller chercher des oubliés de l'histoire, des gens qui ont été mis de côté. En préparant cette émission, en ne connaissant rien à Alfred Russel Wallace avant cette émission, je me suis dit, ce salaud de Darwin a quand même pomper toutes les idées de Wallace, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça m'a interrogé sur mon rapport finalement à l'histoire des sciences et à ce qu'on cherche aussi dans ces figures un petit peu de côté, un petit peu dans les marges. Oui, on pourrait comparer son cas à celui, par exemple, de Clémence Royer en France, qui a été la traductrice de Darwin. C'est-à-dire, c'est des figures qui sont attachantes, qu'on a envie d'aimer, mais quand on creuse un petit peu, il y a toujours des choses qui coincent. Alors, je dis pas qu'il y a rien qui coince chez Darwin, hein. Je dis pas qu'il est extrêmement sympathique, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut pas lui enlever. C'est sa hauteur de vue. C'est la profondeur avec laquelle il a travaillé les choses, toujours avec sérieux. Alors, voilà, je dis pas qu'il a pas travaillé avec sérieux, mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des incohérences et que le personnage qu'on voudrait idéaliser, c'est-à-dire celui du gars issu des classes populaires qui a trouvé la bonne idée et qui s'est fait damer le pion par la gentry, en fait, ben, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et merci en tout cas à vous, Thierry Hoquet, d'être venu aujourd'hui nous aider à faire le tri dans cette histoire en partie légendaire et de nous avoir éclairé sur ce duo, sur cette rencontre-là entre Darwin et Alfred Russel Wallace, qui a quand même permis d'installer l'une des théories les plus importantes de l'histoire des sciences et d'en créer les conditions de sa pérennité. Merci beaucoup et à très bientôt dans Science Chrono. Par Sid Arthur. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA qui nous accompagne chaque semaine dans la recherche d'archives. Et merci à Florent Bujon aujourd'hui à la technique. Vous pouvez écouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.